Merci à elle, merci à eux. Il y a aussi Thomas Gunzig pour sa plume du mercredi matin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour tout le monde. Alors ce matin, une question, qu'est-ce que la poésie? Quand en fait-on et quand n'en fait-on pas? Qu'est-ce que la littérature? Quand c'est qu'on en fait et quand c'est qu'on n'en fait pas? Ah mais Thomas, que de grandes questions de si bon matin. En plus, il y a une erreur grammaticale dans votre intro. Ce n'est pas Chateaubriand qui aurait fait ça, espèce de face de paix. C'est vrai, François. Mais le premier grand principe de la poésie et de la littérature, c'est qu'on en fait ce qu'on veut et que, dans cet ordre d'idées, littérature et poésie, tels de farouches renards urbains, se cachent, se nichent, demeurent dans des lieux parfois si surprenants qu'on ne les croit n'est pas possible parce que cette poésie-là et cette littérature-là, la sauvage, l'indomptée, l'improbable, mais là cependant la bien réelle, n'est pas dans les bibliothèques, ni dans les cercles lettrés, ni dans les académies. Elle est comme ces herbes sauvages qui poussent et repoussent où elles le veulent, comme elles le veulent, n'importe où et de toutes leurs forces. Le grand Jojo est mort. J'ai réécouté ces chansons et bon sang, les amis, sans aucune forme de second degré, je vous promets que c'est de la poésie. Jules César, on l'appelait Jules César, il mettait pas de falzard pour qu'on voit ses belles jambes, ses jolies jambes, ses jambes de superstar. Dans ses leçons américaines, Italo Calvino nous explique que le fonctionnement de la littérature repose sur une faculté humaine fondamentale, la vision nette, les yeux fermés. La littérature est un art visuel fait d'images qui n'apparaissent qu'à la condition indispensable que l'auteur soit équipé du talent nécessaire. Alors, soudain, voilà le talent du grand Jojo, chanteur populaire, mais aussi vrai poète. Jules César, qui ne met pas de falzard. Falzard, un mot argotique employé par Louis-Ferdinand Céline, Blaise Cendrars, Marcel Proust ou Raymond Queneau, parce que l'argot ne vous exclut pas du monde des lettres, c'est juste une porte dérobée donnant accès à la même grande maison. Mais Jules César, pourquoi n'en mettait-il pas de falzard? Mais pour qu'on voit ses jambes, et ici, comme un haïku qui ferait naître de quelques lignes un univers entier, en une seule phrase, nous avons l'esquisse d'une personnalité. Jules César, c'est un guerrier, c'est un empereur, mais c'est avant tout un coquet, au point de ne pas mettre de pantalon pour qu'on puisse voir ses jambes, et pas n'importe quelles jambes, des jambes de superstar. La force des mots, c'est qu'ils provoquent dans nos imaginaires l'apparition de trains d'images, des images tirant derrière elles d'autres images. Les mots suggèrent des sensations, ils invoquent des souvenirs, et le mot superstar fonctionne comme ça. Il porte en lui une limousine s'arrêtant devant un tapis rouge, une femme en sort, souriant à peine. Elle porte une robe Chanel faite d'or et de diamants, les flashs crépitent, la foule se presse, on crie son nom en espérant un regard que l'on n'obtiendra pas, mais une fois en haut des marches du palais des festivals, à la faveur d'un coup de vent venu du sud et soulevant le satin, apparaissent ses jambes, ses jolies jambes, ses jambes de superstar. Dans son essai sur l'art de la fiction, le grand écrivain irlandais Robert Louis Stevenson nous dit « Toute lecture digne de ce nom doit être absorbante et voluptueuse, elle doit nous arracher à nous-mêmes, elle doit nous laisser dans l'esprit un tourbillon d'images animées comme brassées dans un kaléidoscope. Les gladiateurs dans l'arène passaient avec des sandwichs boudin noir, la fiesta durait parfois 6 semaines, il fallait l'avoir vue pour le croire. Quelle étrange et merveilleuse et improbable et kaléidoscopique rencontre que des gladiateurs qui, plutôt que de s'entretuer à moitié nus, couvrant de leur sang le sable de l'arène, distribuent des sandwichs bien particuliers, cette étrange et savoureuse spécialité belge qu'on ne trouve que dans des frites côtes, le sandwich boudin noir. Et voilà comment, par la seule force de la poésie, la Rome de l'Antiquité, pleine de bruit et de fureur, de chars, d'esclaves et de marbre, voyage dans notre imaginaire jusqu'à une fête bruxelloise parfumée à la pierre, à la saucisse et à l'oignon grillé. Une géniale et joyeuse collision d'images qui se conclut par la phrase, Cléopâtre un jour lui a peut-être dit « Je vivrai chez toi, je quitterai mon rez-de-chaussée ». Mais alors, qui est cette reine d'Égypte vivant dans un rez-de-chaussée? On ne sait pas. Mais nous avons soudain l'impression de la connaître, cette petite dame dont les fins de mois sont difficiles. C'est la grande histoire du monde, mais tournée par Chantal Akerman. Le sphinx se dresse aux 23 rues du commerce 1080 Bruxelles. Vous pouvez bien avoir difficile, être dans un rez-de-chaussée, peut-être bien sombre, peut-être bien froid, avec d'un côté la rue et de l'autre une petite cour où se trouve la gamelle du chat, l'amour fou peut naître là aussi bien qu'ailleurs, aussi bien dans un rez-de-chaussée belge que dans le palais d'un empire millénaire. Quand on s'aime, on peut bien vivre dans le plus modeste des logis. Quand le jour se lève, ce sera soudain la lumière du dieu Ra qui éclaire les eaux du Nil. Tous les hommes amoureux sont des empereurs fantasques, toutes les femmes amoureuses sont des divinités mythologiques. C'est ça que nous raconte le Jules César du grand Jojo, grand poète belge, malheureusement disparu mais jamais oublié. À la semaine prochaine. Voilà, c'était l'hommage littéraire de... de Thomas Gunzig au Grand Jojo, le Grand Jojo qui rentre dans votre panthéon des grands auteurs. Absolument. On l'a compris, et c'est vrai que cette chanson de Jules César, moi je m'en souviens quand j'étais petit, c'est une chanson qui m'est restée de mon enfance, j'imagine que vous aussi, Thomas Gunzig. Merci beaucoup. Le Grand Jojo dont les funérailles se tiennent aujourd'hui à 11h à la basilique de Kuckelberg avec pas mal de personnalités et qui souligneront sans doute aussi son talent pour la poésie. On vous retrouve sur la page Facebook de l'émission La Première, ainsi que sur Rovio.be, bien sûr. Thomas Gunzig, bonne journée, bonne semaine, et à mercredi prochain. On va écouter la rue et ce qu'elle a à nous raconter dans la revue de presse, c'est dans quelques instants. La Minute Conseil Énergie. Bonjour, aujourd'hui, nous allons parler des panneaux solaires photovoltaïques avec Stéphanie des guichets Énergie Wallonie. Stéphanie, est-il toujours intéressant d'installer des panneaux photovoltaïques sur son toit ? Oui, avec les prix de l'énergie qui augmentent et le prix des installations photovoltaïques qui a fortement diminué, c'est toujours rentable. Comment se déroule la pose des panneaux solaires photovoltaïques et quelle est leur durée de vie ? C'est facile et rapide à installer en nouvelle construction ou en rénovation et ne nécessite pas d'entretien. Mais il faut que votre toiture s'y prête. Elle doit être étanche, sans ombrage et doit pouvoir supporter le poids des panneaux. Une installation est constituée de panneaux dont la durée de vie est estimée à 30 ans et recyclable à 95%. Les panneaux sont reliés à un onduleur dont la durée de vie est de 10 à 15 ans. Une idée de la quantité d'électricité produite par les panneaux ? En Belgique, une surface de 8 mètres carrés de panneaux produit en moyenne 950 kWh par an dans des conditions optimales. Qu'est-ce que le tarif prosumer ? Prosumer, c'est la contraction des mots producteur et consommateur. Le tarif prosumer permet de faire participer les propriétaires de panneaux photovoltaïques aux frais d'entretien du réseau. Le prosumer peut choisir entre deux tarifs, le tarif forfaitaire en fonction de la puissance de l'installation ou le tarif réel. Un dernier conseil avant de se lancer ? Récolter au moins 3 devis pour comparer les offres, les dimensionnements. Si nécessaire, un prêt à 0% peut vous être octroyé sous certaines conditions par la Société Wallonne du Crédit Social. Merci.